Chapitre 2e. Lorsqu'au lendemain de la bataille de Bunker Hill, 1775, Washington accepta le commandement de l'armée nationale, il arrivait avec lui un petit amas d'hommes sans uniforme, sans discipline ni science militaire, qui avaient pratiqué à peu près tous les états, excepté celui de soldats. Leurs armes étaient disparates, la poudre et le pain leur manquaient, mais sur leurs chemises ils avaient brodé ces mots, la liberté ou la mort. Quand la rigueur de l'hiver vint ajouter ses souffrances à toutes ses insuffisances, ces gens mal nourris et mal vêtus laissèrent dans les sentiers de neige les traces ensanglantées de leurs pieds. Leur entrain ne fléchit jamais, au contraire, leur rêve s'était élargi. Au moment de l'entrée en campagne, ils ne se battaient que pour obliger l'Angleterre à leur reconnaître des droits indispensables. Ils n'avaient pas songé à la séparation. L'idée ne leur en vint que par la suite, quand elle apparut comme le moyen unique d'obtenir la liberté. Ce n'était pas une armée, c'était un peuple entier qui tenait la campagne. De tous côtés, des volontaires affluaient. On a noté à ce propos d'un vieillard de 80 ans qui refusait de rejoindre ses foyers. « Ma mort, dit-il, peut être utile. Je couvrirai de mon corps un plus jeune que moi. » Rochambeau compte, dans ses mémoires, qu'allant à la conférence du Connecticut en compagnie de l'amiral Terney, lequel était invalide, il eut la malchance de casser l'essieu de sa voiture. J'envoyai aussitôt, dit-il, mon premier aide de camp, Fersen, chercher un charron qui demeurait à 1 mille du lieu où nous étions. Il revint me dire qu'il avait trouvé un homme malade de la fièvre carte, lequel lui avait répondu que son chapeau plein de guinées ne le ferait pas travailler la nuit. J'engageai l'amiral à m'accompagner pour aller ensemble le solliciter. Nous lui dîmes que le général Washington arrivait le soir à Hartford pour conférer avec nous le lendemain et que la conférence manquerait s'il ne raccommodait pas notre voiture. « Vous n'êtes pas des menteurs, nous dit-il. J'ai vu dans les papiers du Connecticut que Washington doit arriver ce soir pour conférer avec vous. Je vois que c'est le service public. Vous aurez votre voiture prête à 6 heures du matin. » Il tint parole et nous partîmes à l'heure indiquée. La confiance dans le succès final et la volonté d'y contribuer dans la mesure individuelle de son effort étaient aussi vives chez le plus humble des soldats que chez le chef suprême. À un moment où tout manquait, le général américain Putnam ordonna à un prisonnier anglais « Retourne vers ton chef. S'il te demande combien j'ai de troupes, réponds-lui que j'en ai assez. Que quand il parviendrait à les battre, il m'en resterait encore assez. Qu'il finira par éprouver que j'en ai trop pour lui et pour les tyrans qu'il sert. » En apprenant comment la milice avait essuyé le premier feu à Bunker Hill, Washington s'écria « Les libertés du pays sont en sécurité. » Plus bref encore et plus sûr de l'avenir, Franklin écrivit le même jour à un ami anglais « Les Américains vont se battre. L'Angleterre a perdu ses colonies à tout jamais. » Sollicité par le Parlement anglais, qui lui proposait une grosse somme s'il veut refuser le commandement que les insurgés lui offraient, le général américain Reed répondit « Je ne veux pas qu'on m'achète, mais tel que je suis, le roi des îles britanniques n'est pas assez riche pour m'avoir. » Jusqu'à la fin de la campagne, ce fut en faisant appel au sentiment que les officiers américains soutinrent le moral de leurs hommes. Après les graves défaites de Brandywine, où Lafayette fut blessé, le général Stark, avec une vieille couverture de lit sur le dos, passait la revue des soldats sans solde et sans pain. Le général avait pour sa femme, la belle Molly, une tendresse dont l'ardeur était connue de ses soldats. Au moment de l'engagement, il se plaça devant sa troupe et déclara « Voici les Anglais. Si vous ne les avez pas vaincus ce soir, Molly Stark sera veuve. » Et le soir, on était victorieux. Quelque chose de cette simplicité avait gagné le cœur des Français. La lettre que Lafayette écrivit à M. de Maurepas, le lendemain de la victoire de Yorktown, est, si l'on peut dire, très américaine. Du camp de Yorktown, le 20 octobre 1781. La pièce est jouée, monsieur le comte, et le cinquième acte vient de finir. J'étais un peu à la gêne pendant les premiers. Mon cœur jouit vivement du dernier, et je n'ai pas moins de plaisir à vous féliciter sur l'heureux succès de notre campagne. Or, quand on met en regard les effectifs dont disposaient à cette suprême minute les adversaires des Anglais, on comprend de quel poids les forces françaises pesèrent dans le triomphe de la journée. En effet, les Français avaient là 37 navires de guerre commandé par le comte de Grasse, monté par 20 000 hommes et armé de 1 700 canons. Sur terre, Rochambeau commandait une armée de 8 000 hommes, tandis qu'à la même minute, Washington ne disposait pas d'un seul vaisseau et sur les 9 000 fusils qu'il avait groupés, 5 500 seulement appartenaient à l'armée régulière. Les Anglais ne s'y trompèrent pas, on en a la preuve dans ce récit que Rochambeau a laissé de la cérémonie qui accompagna la capitulation. La garnison, dit-il, défila à 2 heures entre les deux armées, tambour battant, portant les armes qu'elle remit ensuite en faisceau avec une 20aine de drapeaux. Lord Cornwallis étant malade, le général O'Hara défila à la tête de la garnison. En arrivant, il me présenta son épée. Je lui montrai, vis-à-vis de moi, le général Washington à la tête de l'armée américaine, et je lui dis que l'armée française, étant auxiliaire dans ce continent, c'était au général américain de lui donner ses ordres. De cette armée américaine et de son chef qui venait de traverser de telles épreuves de douleur et de joie, le comte de Ségur écrit « Je m'étais attendu à voir des soldats mal tenus, des officiers sans instruction, des républicains privés de cette urbanité si commune dans nos vieux pays civilisés. Je me souvenais de ces premiers moments de leur révolution où des laboureurs, des artisans, qui n'avaient jamais manié de fusil, avaient couru sans ordre, au nom de la patrie, combattre les phalanges britanniques, ne présentant à leurs regards étonnés que des masses d'hommes rustiques qui ne portaient d'autres signes militaires qu'un bonnet sur lequel était écrit le mot « liberté ». On peut donc juger combien je fus surpris de trouver une armée disciplinée où tout offrait l'image de l'ordre, de la raison, de l'instruction et de l'expérience. Les généraux, leurs aides de camp et les autres officiers montraient dans leur maintien, dans leur discours, un ton noble, décent, et cette bienveillance naturelle, qui me paraît aussi préférable à la politesse, qu'une physionomie douce l'est à un masque qu'on s'efforce de rendre gracieux. Un de mes plus pressants desseins était de voir le héros d'Amérique, le général Washington. Monsieur le comte de Rochambeau eut la bonté de me présenter à lui. Trop souvent, la réalité est bien au-dessous de l'imagination, et l'admiration diminue en voyant de trop près celui qui en a été l'objet. Mais à la vue du général Washington, je trouvais un parfait accord entre l'impression que me faisait son aspect et l'idée que je m'en étais formé. Son extérieur annonçait presque son histoire. Simplicité, grandeur, dignité, calme, bonté, fermeté étaient les empreintes de sa physionomie, de son maintien, comme celles de son caractère. Sa taille était noble, élevée, l'expression de ses traits douce, bienveillante. Son sourire agréable, ses manières simples sans familiarité. Ce n'était point le faste d'un général de nos monarchies, tout annonçait en lui le héros d'une république. Il inspirait plutôt qu'il ne commandait le respect, et dans les yeux de tous ceux qui l'entouraient, on voyait une affection vraie et cette confiance entière en un chef sur lequel ils semblaient fonder exclusivement leur sécurité. Le général Washington m'accueillit avec bonté. Il me parla de la reconnaissance que son pays conserverait toujours pour le roi de France et pour sa généreuse assistance. Il me fit les plus grands éloges de la sagesse et de l'habileté du général comte de Rochambeau. Il loua vivement la bravoure et la discipline de notre armée. Enfin, il m'adressa des paroles très obligeantes relativement à mon père, à ses longs services, à ses nombreuses blessures, dignes ornements, disait-il, d'un ministre de la guerre. Le prince de Breuil, qui vit Washington à peu près à la même minute, ajoute à ce portrait quelques détails. Il précise la figure de l'homme intime. Ce général est âgé de 49 ans. Il est grand, noblement fait, très bien proportionné. Son abord est froid, cocopoli. Son œil pensif semble plus attentif qu'étincelant. Il est l'ennemi de l'ostentation et de la vaine gloire. Son caractère est toujours égal. Il n'a jamais témoigné la moindre humeur. M. Washington ne reçoit aucun appointement comme général. Il les a refusés comme n'en ayant pas besoin. Les frais de sa table sont seulement faits aux dépens de l'État. Il a tous les jours une 30aine de personnes à dîner. C'est en général le moment de la journée où il est le plus gai. Au dessert, il fait une consommation énorme de noix, et lorsque la conversation l'amuse, il en mange pendant des heures, en portant, conformément à l'usage anglais et américain, plusieurs santé. C'est ce qu'on appelle toaster. On commence toujours par boire aux États-Unis, ensuite au roi de France, à la reine, au succès des armées combinées. Puis on donne quelquefois ce qu'on appelle un sentiment, par exemple, à nos succès sur les ennemis et sur les belles, à nos avantages en guerre et en amour. Il semble qu'à ces heures de joie comme aux autres, le comte de Ségur ait fait promptement et complètement la conquête de ses hôtes américains, qui lui inspiraient à lui-même tant de sympathie. Une lettre qu'il écrivit à sa jeune femme au cours de septembre 1781 nous met dans la confidence de ce succès. Il aimait et il s'était fait aimer. « J'étais reçu ici à merveille par les généraux et les officiers. Ils paraissent me savoir gré de mes sacrifices. Je voudrais habiter ce pays avec toi. Crois-moi, il vaut mieux que le nôtre, pour des gens qui aiment la vertu. Il faut un peu fuir les hommes lorsqu'on veut fuir la corruption. Les forêts encore désertes sont la seule patrie des gens honnêtes, le commencement de la civilisation. Voilà le temps de leur règne. Avant cette époque, on est trop grossier. Après, on est trop blasé pour être vertueux. On paraît m'aimer beaucoup ici. Je tâche de montrer beaucoup de zèle et de simplicité. J'ai relu Télémaque, et c'est la meilleure leçon pour un homme qui arrive à une armée. Dis à Lafayette que je suis dans un pays plein de lui, où tout le monde l'adore.